Oui, il savait. Je veux parler des principaux dirigeants politiques au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ignoraient rien du sort réservé aux Juifs des territoires occupés par les nazis. Et cela, au moins depuis 1942, c'est-à-dire au moment où des informations précises et concordantes n'ont plus permis de douter. La Croix-Rouge, le Vatican, savaient aussi. Alors, pourquoi autant de silence? Et surtout, pourquoi rien n'a été fait pour empêcher que l'Holocauste ne se perpétue jusqu'à la fin de la guerre? Mais était-il possible d'agir? C'est essentiellement à cette question que se propose de répondre aujourd'hui Monsieur X. Un rappel auparavant, derrière les réticences des Alliés à reconnaître que les nazis exterminaient systématiquement les Juifs des territoires occupés, il y avait un motif moins avouable, la peur que le Troisième Reich ne se débarrasse de ces Juifs en les envoyant chez eux, ou bien encore en Palestine, où la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, se refusait à les accueillir pour ne pas attiser la colère des Arabes. Il est donc clair que la question juive n'était pas une priorité pour les Alliés, qui entendaient concentrer tous leurs efforts sur la conduite de la guerre. Bon, je ne veux pas revenir sur la première partie de notre entretien sur ce douloureux sujet, mais il faut bien comprendre les contradictions dans lesquelles se débattaient les Alliés. Je dis bien comprendre et pas forcément excuser. Alors, expliquez alors. Volontiers. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, avant Vichy, les Juifs étaient bien heureusement considérés comme des citoyens semblables aux autres. Ce qui n'empêchait pas l'existence d'un antisémitisme latent. Hein. Non, vous avez raison, il y a des abrutis partout, mais enfin, laissez-moi poursuivre. Par conséquent, au nom de cette conception libérale et antiraciste, les gouvernements alliés ont longtemps refusé de reconnaître la spécificité de l'extermination des Juifs. Ils considéraient que les victimes étaient d'abord des citoyens des pays où ils résidaient. Mais est-ce que c'était pas un peu hypocrite? Oui, bon, je vous l'accorde. Et le fait de ne pas dénoncer ouvertement le génocide, au moins jusqu'à la fin 1942, a eu de graves conséquences. Si les Juifs européens avaient été avertis par des émissions de radio, par exemple, du danger qui les menaçait, certains d'entre eux auraient pu échapper à la mort. En se cachant? Oui. N'oubliez pas que pas mal de Juifs de France raflés en juillet 1942 n'ont même pas essayé de fuir les agents de police qui venaient les arrêter, parce qu'ils ignoraient totalement ce qui risquait de leur arriver. S'ils avaient su, ils auraient essayé de se dissimuler et peut-être même de se rebeller. Et quitter le pays peut-être aussi. Ouais. Et derrière ce silence des Alliés, il y avait aussi autre chose. Ils ne voulaient pas être accusés par leurs opinions publiques respectives de faire la guerre pour les Juifs. Ouais. Toujours à cause de l'antisémitisme qui persistait dans les sociétés occidentales. Exactement. D'autant que la propagande nazie parlait de guerre juive. C'est-à-dire d'une guerre suscitée par les Juifs et conduite par eux. Et pour eux? Oui, c'était très vicieux. Et ça explique en partie la pusillanimité des Alliés. Ouais, leur passivité. Leur passivité, oui. À noter que pendant très longtemps, on ne se posera pas cette question. C'est seulement dans les années 70 que des historiens et des personnalités comme Elie Wiesel accuseront les Alliés, et particulièrement le président Roosevelt, de n'avoir rien fait pour arrêter le processus d'extermination des Juifs européens. C'est vrai. La question est très difficile. Alors, il vaut mieux avancer pas à pas. Au début de 1943, la presse anglo-saxonne publie des informations de plus en plus détaillées sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Ce qui, entre parenthèses, réduit à néant les arguments de ceux qui prétendront avoir découvert la vérité après la libération des camps. Oui, seuls ceux qui ne voulaient pas savoir sont demeurés dans l'ignorance. Oui, enfin, c'est ce que je pense. Songez par exemple que plus de 250 parlementaires britanniques signent alors une motion demandant que des mesures immédiates soient prises afin de venir en aide aux personnes en danger de massacre. En 43, donc. Oui, ouais. Donc une telle initiative ne peut pas demeurer inaperçue. Au même moment, une manifestation monstre réunit à New York des dizaines de milliers d'Américains anti-nazis qui exigent que l'on mette fin aux agissements criminels d'Hitler. Alors, réaction des gouvernements? Anglais et Américains ne peuvent pas rester inertes, car même les autorités religieuses haussent le ton. En Grande-Bretagne, l'archevêque de Canterbury supplie le gouvernement de sauver les Juifs et déplore les mois perdus. Alors, Washington et Londres décident d'organiser une conférence sur ce qu'on appelle pudiquement la question des réfugiés. Et pas des Juifs. Non, c'est très significatif. Au cours des conversations préalables à la tenue de cette conférence qui aura lieu aux Bermudes, les premières difficultés surgissent. En particulier sur la question des 60 000 Juifs bulgares. Malgré les pressions allemandes, ils n'ont pas encore été déportés et peuvent donc être toujours sauvés. Mais le très distingué ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Anthony Eden, émet des objections. Attends, avant de voir pourquoi, quelle était la situation de ces juifs bulgares ? Elle était singulière. Le gouvernement et le roi, bien qu'ayant fait adopter un statut très contraignant pour les juifs, s'étaient toujours opposés à leur déportation. Par contre, dans les deux régions, la Thrace et la Macédoine, que les Allemands leur avaient concédées, en échange de leur alliance, les Bulgares ont participé à la déportation des Juifs qui s'y trouvaient vers Treblinka. Mmh. Mais, si je comprends bien, ils ne voulaient pas qu'on touche à leurs nationaux, c'est ça ? Oui, oui. Toutefois, il était évident que les nazis pouvaient un jour ou l'autre les y contraindre. Et justement, en mars 43, c'est-à-dire au moment où les Alliés préparaient la conférence des Bermudes, le gouvernement envisageait un vaste plan visant à livrer leurs Juifs aux nazis. Mmh. Donc il fallait faire vite, et vous m'avez dit que Anthony Eden n'était pas d'accord. Avec quels arguments ? Le chef du Foreign Office dit en substance que si l'on obtient des Bulgares la sortie de leurs Juifs, ça donnera des idées aux autres. Aux autres Juifs, quoi ? Bah évidemment. C'est parfaitement cynique. Oui. Or, dit encore Eden, que ferons-nous de ces Juifs bulgares ? Qui acceptera de les accueillir ? Ce n'est pas tout, poursuivit le ministre. N'imaginons que Hitler nous prenne au mot. Ce sont des centaines de milliers, peut-être des millions de juifs dont il faudra s'occuper. Et parmi eux, Hitler glissera sans doute des espions. Mmh, ouais. Pas question de venir en aide aux juifs bulgares, quoi. C'est ça. Mmh. En outre, mais ça, nous en avons parlé la semaine passée, il y avait chez Anthony Eden la peur de voir tous ces gens débarquer en Palestine. Mmh. Pour en terminer quand même avec l'histoire des juifs bulgares, là, que sont-ils devenus ? Eh bien, la préparation de ce plan de déportation a provoqué une grande émotion dans le pays. Des personnalités politiques et religieuses ont protesté. Le roi Boris aussi. Tant et si bien que le gouvernement bulgare a renoncé à mettre en œuvre son funeste projet. Ce qui est la preuve qu'on pouvait parfois dire non à Hitler. Ouais, ce qu'on n'a pas fait le gouvernement du maréchal Pétain. Ça, j'allais le dire. Enfin, revenons à cette conférence des Bermudes. On pouvait au moins en attendre que les alliés en profitent pour lancer un appel à Hitler, lui demandant de libérer les juifs, promis à l'extermination. Mais autant à Londres qu'à Washington, on n'y est pas décidé. Toujours la crainte là, de voir déferler les juifs dans leur pays. Et un conseiller de la Maison-Blanche le dit crûment. Si ces réfugiés venaient chez nous, ils représenteraient un fardeau pour les États-Unis. Fardeau qui contrarierait notre effort de guerre. Et un autre, un type du FBI, je crois, est même allé jusqu'à soupçonner Hitler de manœuvrer les organisations juives qui faisaient pression sur le gouvernement états-unien pour qu'il agisse. Ouais. C'est assez énorme, hein ? Oui, oui. En tout cas, la plupart des représentants des pays alliés excluent qu'on lance un appel à Hitler au prétexte qu'on ne négocie pas avec Hitler. Ouais. Mais quand même, un appel, c'est pas une négociation. Sans doute. Mais au cas très improbable, où Hitler aurait accepté de libérer des juifs, il aurait bien fallu prendre langue avec les nazis, ne serait-ce que pour organiser le transport de ces réfugiés. Mmh. Et selon vous, alors, cet appel à la libération des juifs aurait-il pu avoir des effets positifs ? Et enrayer le génocide ? Ouais, ouais. En Allemagne et dans les territoires occupés, certainement pas. Mais cet appel aurait peut-être fait réfléchir les dirigeants des pays européens alliés à l'Allemagne. D'autant que les armées du Troisième Reich connaissaient des revers de plus en plus importants et que la perspective d'une défaite nazie apparaissait de plus en plus crédible. Mais surtout après Stalingrad. Un tel appel aurait aussi décidé certains pays neutres à accueillir des juifs. Ouais. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, cette conférence se conclut par un échec. Oui, oui, parce qu'il a été décidé de ne rien faire. Et donc d'abandonner les juifs à leur sinistre sort. Bah, c'est malheureusement la vérité. Or, cette année 1943 sera l'une des pires. Elle verra entre autres la liquidation de la plupart des ghettos de Pologne et d'Union soviétique. Et les camps d'extermination tourneront à plein régime. Et pourtant, les États-Unis vont quand même se ressaisir. Comment étant, un fonctionnaire du département d'État, un certain Josiah Dubois, prépare un rapport exhaustif recensant tout ce que l'on sait des crimes des nazis. Il y ajoute même des éléments très embarrassants sur les manœuvres de certains hauts fonctionnaires états-uniens qui ont sciemment censuré des informations sur le génocide. Ah ouais. Et ce rapport est destiné à qui ? Au président Roosevelt lui-même. Et malgré l'intervention de conseillers proches de la Maison-Blanche, ce Dubois arrive à ses fins. Il faut dire qu'il a préalablement menacé de démissionner et de rendre son rapport public. Mmh. Roosevelt prend donc connaissance de ce document, hein ? Oui, oui, à la fin de 1943. Il faut reconnaître qu'il ne tarde pas à réagir. Dès le mois de janvier 1944, il crée le WRB, le War Refugee Board, un organisme dont la vocation est de venir en aide aux victimes du nazisme. Avec quel résultat ? Le WRB permettra de sauver des milliers de vies humaines. Beaucoup de juifs roumains lui devront d'échapper à la mort. Mais, n'est-ce pas un peu tard, là ? Certainement. Toutefois, le gouvernement américain sera le seul à agir ainsi, il faut le souligner. Cependant, Washington est soumis à d'autres pressions. Pourquoi, puisqu'on connaît maintenant l'emplacement et le fonctionnement des camps de la mort, ne pas intervenir directement pour arrêter le génocide ? Militairement, vous voulez dire ? Oui, oui, oui. En effectuant des bombardements ciblés. C'est alors la grande question qui se pose au gouvernement allié. Dans un livre passionnant paru récemment chez Albin Michel, Pacte avec le diable, Fabrizio Calvi analyse l'attitude des États-Unis face à la Shoah. J'en extrais ce passage où il est question de la conférence des Bermudes. Une plongée dans les archives personnelles du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, révèle ainsi la nature des enjeux aux États-Unis. Le directeur du FBI suivait avec une attention particulière les travaux de la conférence. Le FBI veut savoir quelle position adopter dans la période actuelle au cours de laquelle différents groupes de pression déploient d'énormes efforts pour introduire aux États-Unis de très nombreux groupes de réfugiés. Un agent du FBI se procure le rapport du secrétaire d'État, Cordell Hull. Hoover, qui a pour mission de veiller à la sécurité du territoire américain, peut être rassuré. Comme on pouvait s'y attendre, le secrétaire d'État plaide pour une politique très conservatrice en matière d'immigration. Quelques jours plus tard, le président Roosevelt renvoie à Cordell Hull son texte annoté dans la marge. Là encore, Hoover pousse un soupir de soulagement. Dans sa réponse, le président affirme que les lois ne doivent pas être changées et qu'il ne faut pas toucher à l'actuelle politique d'immigration. Le président a également souligné « Les États-Unis ne sont pas en mesure de pouvoir s'occuper d'un grand nombre de personnes munies de visas temporaires. » Vous avez dit que les Alliés connaissaient parfaitement l'emplacement des camps. Oui, oui, les pilotes avaient même photographié Auschwitz au printemps 44. Les documents ont été publiés il n'y a pas si longtemps. C'est exact, mais quand même, avec de telles photographies aériennes, est-ce qu'on pouvait comprendre comment fonctionnait le camp d'extermination ? Ce n'était quand même pas facile, je vous l'accorde, d'interpréter ces photos et de situer les installations d'extermination. Oui, mais enfin, on pouvait recouper parce qu'il y avait les informations là, transmises par la résistance polonaise. Oui, mais enfin, cependant, voyons le point essentiel. Était-il matériellement possible de bombarder Auschwitz ? Mais bombarder quoi d'abord ? Les bâtiments des déportés, on risque de faire des victimes supplémentaires, ou alors uniquement les chambres à gaz et les fours crématoires, à condition de les avoir localisés. Et puis les aviateurs pouvaient-ils cibler spécifiquement ces installations ? Oui, vous avez raison de poser toutes ces questions. J'y répondrai, je vous le promets, mais je reviens à ce que je vous disais. Un bombardement était-il possible ? Un bombardement que les organisations juives réclamaient à corps et à cri aux gouvernements alliés. Les politiques s'en sont prudemment remis aux militaires. Et ceux-ci ont répondu par la négative. Avec quels arguments, là ? Bah, la distance, d'abord. Les forteresses volantes basées en Grande-Bretagne devaient effectuer un aller-retour de 3200 km au-dessus du territoire ennemi. Trop dangereux, jugent les militaires. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque les Alliés disposent alors de la maîtrise du ciel. En toute façon, il y a quand même la DCA ennemie. Hein. Sans doute, mais les bombardiers volent très haut et sont très peu vulnérables. Non, la vraie raison du refus se trouve ailleurs. En réalité, les états-majors alliés ne veulent pas distraire de leurs effectifs des bombardiers qui sont utiles ailleurs. Bref, les camps d'extermination ne sont pas des objectifs militaires. C'est ça, c'est la vérité. En fait, il était plus facile à Staline d'agir, hein ? À cause de la distance, oui, c'est juste, oui. Les bases aériennes soviétiques se trouvaient plus près des camps situés en Pologne, mais apparemment les anglo-saxons ne l'ont pas demandé à leur grand allié de l'Est. En fait, tout ça, c'était une affaire de militaires. Et il semble bien que les demandes de bombardement d'Auschwitz ne sont pas remontées jusqu'à la Maison Blanche. Or, bientôt, les forces alliées vont faire la preuve qu'elles sont en mesure de frapper Auschwitz. C'est-à-dire ? En juillet 1944, une formidable armada de plusieurs centaines de bombardiers décolle des nouvelles bases aériennes installées en Italie, direction la Pologne orientale. Les camps, alors ? Non, un complexe industriel situé à quelques dizaines de kilomètres. Ce faisant, les forteresses volantes vont pratiquement survoler Auschwitz. D'autres bombardements suivront au moins jusqu'au mois de novembre, mieux, fin août. Les appareils alliés vont attaquer les installations industrielles proches d'Auschwitz. Et où travaillent les déportés des camps, hein ? Oui, ceux qui ont été jugés valides et qui ne sont pas promis à une extermination immédiate. Cette usine IG Farben, qui fabrique du caoutchouc synthétique, est frappée par un déluge de bombes. Plusieurs centaines d'énormes bombes de 500 livres. Et la DCA allemande, censée protéger le complexe industriel d'Auschwitz-Birkenau, demeure impuissante. Ah ben, ça signifie donc qu'on peut bombarder à Auschwitz. Ah, mais les généraux répliquent que les forteresses volantes, qui volent entre 6000 et 8000 mètres d'altitude, sont incapables d'opérer des bombardements précis sur les chambres à gaz ou les fours crématoires. Par conséquent, il y aurait eu beaucoup de dégâts collatéraux collatéraux, comme on dit aujourd'hui. De nombreux morts, quoi. Ouais. Et sans doute des milliers. Auschwitz, Birkenau, se trouvait alors plus de 100 000 détenus et les convois ne cessaient d'arriver. Un bombardement du camp aurait donc provoqué un véritable massacre. Et ce n'est pas tout. Que seraient devenus les prisonniers qui auraient profité du bombardement pour fuir? Pardonnez-moi, mais ça c'est un argument parfaitement hypocrite, puisque ces déportés étaient de toute façon destinés à périr dans les chambres à gaz. Oui, je vous le concède. En fait, ce que les militaires alliés redoutaient par-dessus tout, c'était de nourrir la propagande nazie en étant accusés d'avoir provoqué des massacres. Et d'ailleurs, les organisations juives elles-mêmes étaient opposées à de telles opérations de bombardement massif. Alors que les juifs auraient été les premières victimes. En effet. Ouais. Et elles ont proposé une autre solution. La ligne du front de l'Est se rapprochant, pourquoi l'armée rouge n'aurait-elle pas pu parachuter des troupes dans le secteur d'Auschwitz? Là encore, alors, réaction de Staline ou... Ce que veut le maître du Kremlin, c'est que l'armée rouge avance le plus vite possible. La question des camps n'est donc pas primordiale. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les soldats soviétiques découvriront Auschwitz presque par hasard en janvier 1945. Autre chose, puisque les forteresses volantes, à cause de l'altitude à laquelle elles volaient, étaient incapables d'opérer des bombardements précis, pourquoi ne pas utiliser des appareils plus légers? Ces avions existaient, hein? Bien sûr. Les Britanniques disposaient du fameux Mosquito. Et les Américains possédaient aussi des bombardiers légers. Certains basés dans des territoires yougoslaves libérés. Et ils avaient un rayon d'action suffisant pour atteindre Auschwitz, par exemple. Ces appareils avaient fait la preuve de leur maniabilité, de leur efficacité en détruisant les murs de la prison d'Amiens où étaient enfermés des résistants. Leurs pilotes peuvent donc réitérer ce genre d'exploit à Auschwitz? À condition d'avoir exactement repéré les cibles, c'est-à-dire les installations de la mise à mort des juifs. Mais ces petits bombardiers sont plus vulnérables et risquent d'être touchés par la DCA. Donc, une fois de plus, on renonce. Et on abandonne les juifs? Oui, malheureusement. Et si on avait détruit en amont tout ce réseau de voies ferrées qui permettait aux nazis de convoyer les déportés? On y a pensé, évidemment, mais les généraux ont objecté que les nazis procéderaient très vite à la réparation de ces voies. Par conséquent, il aurait fallu recommencer et recommencer. Or, la conduite de la guerre ne permettait pas un tel éparpillement des forces aériennes. La priorité, c'était de vaincre, et donc de concentrer tous les moyens dans la bataille qui se jouait sur le territoire français après le débarquement de juin 1944. Un argument défendable, selon vous? Franchement, je le crois. Même si j'ai souligné toutes les réserves que m'inspirait l'excessive prudence des chefs militaires qui désiraient que rien ne vienne retarder la victoire. Et le sauvetage des Juifs pouvait être une cause de retard. Les stratèges alliés le pensaient. C'est tout ce que je peux dire. Mais il n'y avait pas que cette question du bombardement d'Auschwitz. En cette même année 1944, les alliés sont confrontés à un autre grave problème, celui des Juifs hongrois. Presque 800 000 personnes qui sont en danger de mort depuis que les troupes nazies ont envahi la Hongrie en mars. Car à peine arrivés, les Allemands, sous la haute autorité d'Adolf Eichmann, commencent à recenser les Juifs, un préalable évident à leur déportation vers les camps d'extermination. L'historien André Caspi essaie de tirer les conclusions du débat dans un article de la revue L'Histoire, intitulé « Fallait-il bombarder Auschwitz ?» Je cite. « Auschwitz a pris dans les consciences contemporaines valeur de symbole. Détruire Auschwitz serait arrêter le génocide alors que 80% des Juifs ont été assassinés ailleurs. Le camp symbolise les lieux maudits, le crime contre l'humanité, le mal absolu. De là l'insistance que mettent des historiens sur la situation de l'été 44 comme s'ils oubliaient ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe ailleurs. Les Américains éprouvent tout particulièrement le sentiment d'une infinie culpabilité. Ils sont aujourd'hui les citoyens d'une superpuissance qui peut agir sur la planète entière. Ils en déduisent qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils auraient souhaité qu'il en fût ainsi au cours de la Seconde Guerre mondiale, que les plus grands malheurs fussent évités grâce à leur intervention. Ils adhèrent volontiers au mythe du sauvetage. Ils refont l'histoire. Naturellement, ils estiment que le recours à la technologie la plus sophistiquée, en l'occurrence les forces aériennes et leurs frappes chirurgicales, auraient permis de trouver les solutions les plus efficaces. Avant d'évoquer la tragique histoire des Juifs hongrois, je dois d'abord vous parler d'un réseau d'espionnage implanté en Europe de l'Est. Le réseau Dockwood, en anglais c'est le cornouiller. Et l'une des particularités de ce réseau, intégré à l'OSS américain, c'est que tous ses membres avaient pour nom de code des noms de fleurs. Dockwood, le chef du réseau, s'appelle en réalité Schwartz. Qui est-il ? Ce juif tchèque a d'abord collaboré avec les services de renseignement de son pays. Puis cet ingénieur s'est installé en Turquie où il a représenté diverses sociétés d'outillage. Il a abandonné le monde de l'espionnage ? Non. La guerre venant, il a pris contact avec le M6, le service britannique, et recrute des agents dans nombre de pays européens, dont l'Allemagne et l'Autriche. Puis parce que les Britanniques ne sont pas très généreux, il travaille ensuite pour l'OSS. Cet homme était-il intéressé ? Non, c'est un authentique anti-nazi, mais un réseau, ça coûte cher. Et les appareils de transmission, les pattes qu'il faut graisser, etc. Enfin, je vais vite. Ah, c'est une voie sur la guerre, ça. Bon, je ne relève même pas, mon cher. Schwartz obtient donc très vite d'excellents résultats. Grâce à l'un de ses contacts, un industriel autrichien, il recueille des informations importantes sur Auschwitz, mais aussi sur les armes secrètes que développent les nazis. Quoi, les V1 et V2 hein? Oui, d'autre part, en établissant des relations avec un collaborateur de l'Abwehr. L'Abwehr, c'est le service de renseignement de l'armée allemande. Hein, dirigé par l'amiral Canary, oui. Cet homme, c'est le comte von Moltke. Schwartz apprend grâce à lui qu'il existe un réseau clandestin d'officiers anti-nazis. Le groupe qui plus tard, en juillet 44, essaiera d'assassiner Hitler. C'est exact. L'information est de première importance. Parce que si le complot réussissait, cela pourrait hâter la fin de la guerre. Mais, après avoir pris directement contact avec les gens de l'OSS à Istanbul, von Moltke est victime d'une trahison. Il est arrêté et sera pendu. Tout comme les autres conspirateurs. En effet. Et qui l'a trahi, là ? Ah, ça, c'est la grande question. En fait, le réseau Dockwood est infiltré. Un agent double ? Des agents doubles. Ah. On s'apercevra plus tard que plusieurs fleurs du réseau sont en réalité des fleurs vénéneuses. Et ça aura un peu plus tard des conséquences dramatiques. Enfin, ça, nous le verrons. L'un de ces types louches est un certain Gross, un contrebandier hongrois qui circule à son aise en Allemagne et a corrompu plusieurs agents de la Gestapo. Oui. Et Schwartz lui fait confiance ? Il est naturellement très circonspect. Mais ce Gross peut faire parvenir à des juifs allemands des pièces d'or. Pièces destinées à payer des pots de vin pour obtenir des visas pour la Turquie, par exemple. En outre, le contrebandier confie à Schwartz qu'il travaille en réalité pour les services hongrois. Or, la Hongrie du régent Horthy, sentant le vent tourner, cherche à établir des contacts avec les alliés. Ça se passe donc avant l'invasion de la Hongrie par les nazis en mars 44. C'est ça, oui. D'accord. Les Hongrois, pourtant alliés à Hitler, veulent changer de camp. D'autant que les nazis se font de plus en plus pressants. Ils convoitent les centaines de milliers de juifs hongrois. La dernière grande communauté, à l'exception des Bulgares, n'avoir pas encore été déportée et exterminée. En tout cas, effectivement, grâce au réseau Dockwood, les Américains prennent langue avec un envoyé spécial des Hongrois, un lieutenant-colonel du nom de Hatz. Mm-hmm. On assiste à une amorce de négociation pour une paix séparée ? Oui, peu après, trois agents américains sont parachutés en Hongrie. Ils sont porteurs d'une lettre de Roosevelt au régent Horthy, mais il est trop tard, car les troupes allemandes entrent en Hongrie et vont y installer un régime d'extrême droite encore plus dictatorial que celui que présidait jusque-là l'amiral Horthy. Et cette fois, les juifs hongrois sont vraiment menacés. Effectivement, hein. Car Eichmann, le grand coordonnateur de la solution finale, ne tarde pas à arriver. À partir de ce moment, un proche du réseau Dockwood va jouer un rôle essentiel et essayer de toutes ses forces de sauver les juifs hongrois. Qui ? Joël Brand, un jeune militant sioniste de gauche qui a déjà sauvé des milliers de juifs polonais en les faisant justement passer en Hongrie. Comment, là ? Eh bien, ce jeune juif n'a pas hésité à entrer en contact avec des agents de l'Abwehr de l'amiral Canary. C'est risqué, non ? Mais enfin, même si l'Abwehr se défiait des nazis. Oui, c'était réciproque. D'ailleurs, Hitler finira par dissoudre ce service de renseignement au début de 1944. Et Canary, convaincu d'avoir trempé dans le complot contre le Führer, sera exécuté l'année suivante. Revenons à Brand. Il a donc réussi à protéger la vie de nombreux juifs en se servant de ses relations avec des membres de l'Abwehr. Des types qui n'ont pas agi pour ses beaux yeux. Il les a payés. Naturellement. Mmh. À l'époque, chaque juif avait un prix. Et ce sont les organisations juives qui ont payé. À cette occasion, le jeune homme s'est aussi servi des relations du contrebandier Grotz. Toutefois, quand l'Abwehr est dissoute, très peu de temps avant l'invasion de la Hongrie par les nazis, Brand se trouve soudain pris au dépourvu. Il n'y a plus de protecteur. Et lui-même se trouve directement en danger de mort. Heureusement, l'un de ses anciens contacts avec l'Abwehr, reconverti dans le SD, c'est-à-dire le service de sécurité des SS, le prend en charge. Toujours bien entendu contre monnaie sonnante et trébuchante. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce type est aussi un agent du réseau de Gould. Encore un agent double ? Presque certainement. Mmh. Ce qui montre bien que ce réseau de l'OSS est largement infiltré, mais enfin peu importe. Car l'impensable a lieu. Brand, avec l'aide de Gross et de son ancien protecteur de labeur, va tenter de négocier le sauvetage des juifs hongrois avec un adjoint direct d'Eichmann. Là, il est juif, hein, il prend des risques insensés. Oui, mais il sait que ce nazi a déjà épargné des juifs tchèques contre le versement d'importantes sommes d'argent. La cupidité. Bien entendu. Et Brandt peut penser que tant qu'il pourra trouver de l'argent, il sera lui-même en sécurité. Mais Brandt va encore plus loin. Toujours obsédé par l'idée de sauver la vie de ces centaines de milliers de juifs de Hongrie, il se risque même à aller voir Eichmann lui-même. L'entrevue de l'aveu même de Brandt, qui sera plus tard témoin du procès du nazi en Israël, est hallucinante. J'ajoute quand même que Brandt y est allé avec l'accord de ses camarades sionistes. Faut me raconter ça alors. Eichmann lui propose tout bonnement de lui vendre des juifs. Exactement. Eichmann lui dit à peu près ceci, voilà... Il y a encore 1 million de juifs en Europe centrale, si vous les voulez, ben vous les achetez. C'est inimaginable. Et c'est pourtant la vérité. Mais comment Eichmann veut-il être payé? En marchandises, essentiellement. Il exige 10 000 camions, du thé, du café, du cacao, du savon, et quand même, quelques devises étrangères. Des vies contre des marchandises. Exactement. Brandt, bien sûr, est affolé. Oui, parce qu'il ne sait pas où se procurer de telles quantités de biens. Et que Eichmann ne lui laisse que 15 jours pour réussir. C'est une mission quasi impossible. Hein. Oui, et pourtant le jeune homme est autorisé à partir pour Istanbul. Il se propose de contacter les Américains de l'OSS et les représentants de l'agence juive qui se trouve en Syrie. Avant de poursuivre votre avis, la proposition d'Eichmann était-elle sérieuse? Franchement, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, le nazi n'attendra pas longtemps avant de donner l'ordre de déporter les premiers juifs vers Auschwitz. Sans même attendre la réponse de Brandt. Oui. Mais Brandt trouve-t-il une oreille attentive auprès des Américains? Ceci qu'il arrive à joindre par l'intermédiaire du réseau Dogwood n'écarte pas, a priori, l'idée de ce troc monstrueux, même s'il commence à se méfier de Brandt. Ah bon, pourquoi là? Parce qu'il le soupçonne lui aussi de jouer un double jeu. Oui. Et les organisations juives alors? Ah ben elles sont prêtes à faire des efforts financiers considérables pour sauver les leurs. Par contre, les Britanniques sont beaucoup plus sceptiques. D'autant qu'il y a toujours chez eux la crainte de voir ces centaines de milliers de juifs débarquer en Palestine. Aussi... Lorsque Brandt quitte la Turquie pour la Syrie, il s'arrange pour l'arrêter et le mettre à l'ombre pendant 3 mois. Et ce faisant, il ruine tout espoir de voir aboutir le marchandage avec Eichmann. Hein. C'est exact. Enfin, au fond, peut-être ont-ils eu raison. Que voulez dire là? La proposition d'Eichmann cachait sans doute un piège. C'est Gross, le contrebandier agent double, qui l'a avoué plus tard. En initiant cette tentative de négociation, Eichmann obéissait à un ordre d'Himmler, l'un de ses maîtres. Celui-ci, qui se voyait bien, succédait à Hitler. Essayait par le biais de cet horrible marchandage de tenter une approche en direction des alliés. Mais pas tous les alliés, seulement les anglo-saxons, car la manœuvre avait aussi pour but d'enfoncer un coin entre ces derniers et l'URSS. Était-ce encore possible, là? J'en doute encore que... Soyez plus clair. Imaginez que le troc juif contre camion ait réussi. À quoi auraient servi ces milliers de véhicules? À équiper les troupes du Troisième Reich engagées sur le front de l'Est contre l'Armée Rouge. Et Staline n'aurait sans doute pas apprécié. Ah, ça, c'est possible. Un dernier mot, voilà. Et ces malheureux juifs hongrois? Ils ont pratiquement tous péri dans les chambres à gaz des camps d'extermination. À l'exception de quelques milliers qui ont pu être sauvés grâce à l'initiative d'une puissante organisation caritative juive qui les a littéralement achetés grâce à l'argent de ce comité américain créé par Roosevelt, le WRB. Mais attention, personne ne devait savoir que ce WRB se trouvait derrière. Et ça en dit non. Lors du procès Eichmann, M. X l'a dit, Joël Brandt a évoqué l'épouvantable marchandage auquel l'a contraint le nazi. Et voici ce qu'il a déclaré à la barre. C'était une proposition épouvantable. Eichmann a détruit ma vie. Eichmann a mis sur mon dos 1 million d'êtres humains dont la plupart, je suis désolé de le dire, ont été tués par lui. D'un autre côté, nous ne pouvions pas rejeter l'offre de sauver des vies humaines. Il est aussi difficile de passer sous silence l'action acharnée du Suédois Wallenberg qui a sauvé 20 000 juifs hongrois en leur accordant des passeports de son pays. Wallenberg qui a ensuite disparu dans les geôles de Staline. Mais nous avons déjà longuement abordé ce dossier avec M. X. Je vous rappelle la récente parution du livre de Fabrizio Calvi, Pacte avec le diable, et celui de Richard Breitman, Secrets officiels, Et je vous invite aussi à consulter l'ouvrage de David Wyman qui a fait date sur cette question, l'abandon des Juifs, les Américains et la solution finale. Enfin, M. Hick m'a promis de me parler la semaine prochaine de l'un des hommes qui a pris une part essentielle dans l'extermination des Juifs, Müller, le tout puissant chef de la Gestapo, l'homme qui était donc le supérieur direct d'Eichmann et qui a mystérieusement disparu en 1945 après la capitulation allemande.